Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, Souvenirs d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen. De Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Cinquième épisode. Paris, la ville de l'éternelle jeunesse. Pour la première année de ma liberté reconquise, je m'étais promis Paris en cadeau. Je ne connaissais cette ville inépuisable que très superficiellement par deux voyages antérieurs, et je savais que quiconque y a passé une année de sa jeunesse en emporte pour la vie un incomparable souvenir de félicité. Nulle part, avec des sens éveillés, on éprouvait l'impression d'une telle identité entre sa jeunesse et l'atmosphère que dans cette ville qui se donne à chacun et dont pourtant personne ne pénètre tous les secrets. Je sais bien que cet heureux Paris ailé de ma jeunesse, ce Paris qui vous donnait des ailes, n'est plus. Peut-être que cette merveilleuse innocence ne lui sera jamais rendue, à présent que la main la plus dure de la terre lui a imprimé tyranniquement sa marque d'airain brûlant. À l'heure où je me mettais à écrire ces lignes, les armées allemandes, les tanks allemands, avançaient comme une masse grise de termites afin de détruire à la racine, dans sa couleur divine, sa clarté spirituelle, son émail et sa fleur inflétrissable, toute cette harmonieuse structure. Et maintenant c'est chose faite. Le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel. Les noires troupes d'assaut paradent insolemment sur les Champs-Élysées de Napoléon. Et j'éprouve de loin comment, dans les maisons, les cœurs se serrent. Quel regard humilié ont maintenant ces citoyens naguère si pleins de bonhomie, quand dans leurs bistrots et cafés familiers résonnent lourdement les bottes à revers des conquérants. Jamais peut-être un malheur qui m'a frappé personnellement ne m'a autant touché, bouleversé, désespéré que l'humiliation de cette ville favorisée entre toutes du privilège de rendre heureux quiconque l'approchait. Recouvrera-t-elle un jour le pouvoir de donner à des générations ce qu'elle nous a donné? Le plus sage enseignement et le plus merveilleux exemple, par sa façon d'être tout à la fois libre et créatrice, ouverte à chacun, tout en s'enrichissant de cette belle prodigalité. Je sais, Paris n'est pas seul à souffrir. Pendant des décennies, le reste de l'Europe, lui aussi, ne sera plus ce qu'il a été avant la Première Guerre mondiale. Depuis lors, une ombre lugubre ne s'est jamais dissipée sur l'horizon jadis si lumineux de l'Europe. L'amertume et la défiance de pays à pays, d'homme à homme, sont demeurées comme un poison rongeur dans le corps mutilé. Nulle part, cependant, on a pu éprouver la naïve et pourtant très sage insouciance de l'existence plus heureusement qu'à Paris, où la confirmait la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. Chacun de nous autres, jeunes gens, s'incorporait une part de cette légèreté et y ajoutait ainsi sa propre part. Chinois et scandinaves, espagnols et grecs, brésiliens et canadiens, tous se sentaient chez eux sur les rives de la Seine. Point de contrainte. On pouvait parler, penser, rire, gronder comme on le voulait. Chacun vivait comme il lui plaisait, sociable ou solitaire, prodigue ou économe, dans le luxe ou dans la bohème. Il y avait place pour toutes les originalités, toutes les possibilités s'offraient. Qui se souciait à Paris de ces épouvantails qui ne devinrent menaçants que plus tard? La race, la classe et l'origine. On allait, on causait, on couchait avec celui ou celle qui vous plaisait, et l'on se souciait des autres comme d'une guigne. Ah, il fallait avoir d'abord connu Berlin pour bien s'éprendre de Paris. Il fallait avoir éprouvé la servilité volontaire de l'Allemagne, avec sa conscience hiérarchique accusée des rangs et des distances, aiguisée jusqu'à en être douloureuse, où la femme d'un officier ne fréquentait pas celle d'un professeur de lycée, ni celle-ci l'épouse d'un commerçant, ni surtout cette dernière une femme d'ouvrier. Mais à Paris, l'héritage de la Révolution, bien vivant, circulait encore dans le sang. Le prolétaire se sentait un citoyen aussi libre et digne de considération que son employeur. Le garçon de café serrait la main d'un général galonné comme à un collègue. De petites bourgeoises actives, sérieuses et propres, ne faisaient pas la grimace en rencontrant la prostituée dans le corridor. Elles causaient tous les jours avec elle dans l'escalier, et leurs enfants lui donnaient des fleurs. Si j'écris le nom très cher de Rainer Maria Rilke sur cette feuille consacrée à mes jours parisiens, bien qu'il fût un poète allemand, c'est que Paris a été le cadre de nos rencontres les plus fréquentes et les plus heureuses, et que je vois toujours son visage se détachant, comme dans les portraits anciens, sur le fond de cette ville qu'il a aimée plus qu'aucune autre. Quand je songe aujourd'hui à lui et à ses autres maîtres du verbe forgé comme par l'art auguste de l'orfèvre, quand je songe à ces noms vénérés qui ont resplendi sur ma jeunesse comme d'inaccessibles constellations, cette question mélancolique m'assaille irrésistiblement. D'aussi purs poètes, tout entiers dévoués au lyrisme, seront-ils encore possibles dans notre époque de turbulence et de désordre universel? N'est-ce pas une lignée disparue que je regrette en eux avec amour? Une lignée sans postérité immédiate dans nos jours traversés par tous les ouragans du destin. Ces poètes ne convoitaient rien de la vie extérieure, ni l'assentiment des masses, ni les distinctions honorifiques, ni les dignités, ni le profit. Ils n'aspiraient à rien d'autre qu'à enchaîner, dans un effort silencieux et pourtant passionné, des strophes parfaites, dont chaque vers était pénétré de musique, brillant de couleurs, éclatant d'images. Quelle était exaltante pour nous, les jeunes, la présence de ces hommes fidèles à eux-mêmes. Comme ils étaient exemplaires, ces sévères serviteurs et conservateurs de la langue, qui n'accordaient leur amour qu'à la parole décantée, à la parole qui n'était point dévouée au jour et au journal, mais à la durée et au durable. On avait presque honte, quand on levait les yeux sur eux, tant leur vie était silencieuse, sans éclat et comme invisible. L'un menant une existence paysanne à la campagne, l'autre installé dans un petit métier, le troisième parcourant le monde en passionnette pilgrim. Tous connus d'un petit nombre seulement, mais d'autant plus ardemment aimés. L'un était en Allemagne, un autre en France, un autre en Italie. Tous cependant, dans la même patrie, car ils ne vivaient que dans la poésie. Et tandis qu'ils évitaient ainsi dans un sévère renoncement tout ce qui est éphémère, en créant des œuvres d'art, ils transformaient leur propre vie en œuvre d'art. Je ne cesse de m'émerveiller que nous ayons eu devant les yeux, au temps de notre jeunesse, d'aussi purs poètes. Et c'est aussi pourquoi je ne cesse de m'interroger avec une sorte de secrète inquiétude. Des âmes totalement consacrées à l'art lyrique seront-elles encore possibles à notre époque, dans nos nouvelles conditions d'existence qui arrachent les hommes à tout recueillement et les jettent hors d'eux-mêmes dans une fureur meurtrière, comme un incendie de forêt chasse les animaux de leur plus profonde retraite? Je sais bien que le miracle des poètes se reproduit au cours des âges, et que l'émouvante consolation de Goethe dans ses Nénis sur Lord Byron demeure éternellement vraie. Car la terre encore les enfante, qui les a toujours enfantés. Toujours on assistera au retour fortuné de tels poètes, car l'immortalité, de temps à autre, confie ce précieux gage même aux époques qui en sont le moins dignes. Mais la nôtre n'est-elle pas précisément une de celles qui ne permettent pas le silence, même aux plus purs, aux plus isolés, ce silence de l'attente, de la maturation, de la méditation et du recueillement qui étaient encore accordés à ceux-là dans ces temps plus heureux et paisibles de l'Europe d'avant la guerre. Je ne sais pas quelle valeur on attribue encore aujourd'hui à tous ces poètes, Valéry, Verhaeren, Rilke, Pascoli, Francis Jammes, ce qu'ils représentent pour une génération dont les oreilles résonnent depuis des années non plus de cette délicate musique, mais du bruit de moulin que fait la propagande, et ont été par deux fois déchirés par le bruit des canons. Je sais seulement, et j'éprouve le devoir de le déclarer avec reconnaissance, quel enseignement, quel bienfait a été pour nous la présence de tels hommes si saintement voués au culte de la perfection dans un monde qui déjà se mécanisait. Et, jetant un regard sur ma vie passée, je n'y découvre guère de bien plus précieux que le privilège qui m'a été accordé d'être humainement proche de plusieurs d'entre eux et d'avoir vu souvent une amitié durable se joindre à ma précoce vénération. De tout cela, aucun, peut-être, n'a mené une existence plus silencieuse, plus mystérieuse et invisible que Rilke. Mais ce n'était pas une solitude voulue, forcée, ou dont il se fût drapé comme d'un sacerdoce, tel que, par exemple, Stefan Georg l'a célébré en Allemagne. Le silence s'amassait en quelque sorte autour de lui partout où il allait, partout où il se trouvait. Comme il fuyait toutes sortes de bruits et même celui de sa renommée, cette somme de tous les malentendus qui s'accumulent autour d'un nom, disait-il un jour si joliment, la vague de curiosité qui se gonflait vaniteusement ne mouillait que son nom, jamais sa personne. Rilke était difficile à joindre. Il n'avait pas de maison, pas d'adresse où l'on aurait pu aller le quérir, pas de foyer, pas de demeure permanente, pas d'emploi. Il était toujours en route à travers le monde, et personne, pas même lui, ne savait d'avance de quel côté il tournerait ses pas. Pour son âme infiniment délicate et sensible, toute décision arrêtée, tout projet et toute annonce était déjà une charge. C'est donc toujours par hasard qu'on le rencontrait. Ombrageux et réservé, Rilke donnait à Paris, cette ville qui dilate le cœur, l'impression d'être beaucoup plus ouvert que partout ailleurs. Peut-être parce qu'on n'y connaissait pas encore son œuvre, son nom, et qu'il se sentait toujours plus libre et plus heureux dans l'anonymat. Connaître dans ses derniers recoins et dans ses profondeurs cette ville unique était pour lui une passion, presque la seule que j'aie jamais perçue chez lui. Un jour que nous nous étions rencontrés chez des amis communs, je lui racontai que la veille, je m'étais trouvé par hasard à la vieille barrière, où les dernières victimes de la guillotine, parmi lesquelles André Chénier, ont été enterrées au cimetière de Picpus. Je lui décrivis cette petite prairie émouvante, avec ses tombes dispersées, que l'étranger voit rarement, et lui rapportai qu'en m'en retournant dans une des rues, j'avais aperçu par une porte ouverte un couvent avec des espèces de béguines qui, silencieusement, sans parler, le rosaire à la main, tournaient en rond comme en un rêve pieux. Ce fut une des rares fois où je le vis presque impatient, cet homme si calme et si maître de lui. Il lui fallait voir cela, la sépulture d'André Chénier et le couvent. Accepterais-je de l'y conduire ? Nous nous y rendîmes dès le lendemain. Il se tint en une sorte de ravissement silencieux devant ce cimetière solitaire et l'appela le plus poétique de Paris. Mais au retour, il se trouva que la porte du couvent était fermée. Je pus alors faire l'épreuve de sa patience silencieuse, de cette maîtrise dont il ne témoignait pas moins dans sa vie que dans son œuvre. « Attendons le hasard, » dit-il. Et, la tête légèrement inclinée, il se plaça de façon à voir par cette porte quand elle s'ouvrirait. Nous attendîmes peut-être 20 minutes. Alors, une sœur de l'ordre s'en vint par la rue et sonna. « Maintenant !» souffla-t-il tout excité. mais la sœur avait remarqué son guet silencieux. Elle s'approcha et lui demanda s'il attendait quelqu'un. Il lui sourit de son tendre sourire, qui tout de suite inspirait confiance, et lui dit franchement qu'il aurait beaucoup aimé voir le cloître. La religieuse sourit à son tour. Elle regrettait, mais ne pouvait le laisser entrer. Toutefois, elle lui conseilla d'aller à côté dans la maisonnette du jardinier. De la fenêtre de l'étage, il aurait un bon point de vue. De sorte que cela aussi lui fut accordé, comme bien d'autres choses. Depuis, nos chemins se sont encore croisés, mais chaque fois que je pense à Rilke, je le vois à Paris, dont il lui a été épargné de vivre les heures les plus sombres. Des hommes de cette rare qualité étaient d'un grand profit pour un débutant. Mais j'avais encore à recevoir l'enseignement le plus décisif, un enseignement qui compterait pour ma vie tout entière. Ce fut un présent du hasard. Chez Verhaeren, nous nous étions engagés dans une discussion avec un historien de l'art qui se plaignait que le temps de la plus grande sculpture et de la grande peinture fût passé. Je le contredis vivement. Rodin n'était-il pas encore parmi nous, ce créateur de formes qui ne le cédait pas au plus grand du passé? Je me mis à énumérer ses œuvres, et comme toujours quand on combat un contradicteur, j'en vins à une véhémence qui frisait la fureur. Verhaeren souriait à part lui. « Quelqu'un qui aime tant Rodin, dit-il à la fin, devrait faire sa connaissance. Demain, je serai à son atelier. Si cela te convient, je t'emmène. » Si cela me convenait. De joie, je ne pus dormir. Mais chez Rodin, mon discours se figea. Je ne fus même pas capable de lui adresser la parole et demeurer parmi ses statues, pareil à l'une d'entre elles. Mon embarras sembla lui plaire, car le vieillard me demanda, comme nous prenions congé, si je ne voulais pas voir son véritable atelier à Meudon, et il m'invita même à déjeuner. J'avais reçu ma première leçon. C'est que les plus grands hommes sont toujours les plus affables. La seconde fut qu'ils sont presque toujours les plus simples dans leur genre de vie. Après le repas, nous passâmes à son atelier. C'était une salle immense qui réunissait les répliques de ses œuvres les plus importantes. Mais parmi elles se dressaient ou gisaient des centaines de précieuses petites études. Une main, un bras, une crinière de cheval, une oreille de femme, la plupart en plâtre seulement. Aujourd'hui encore, j'ai très présente à la mémoire plusieurs de ces esquisses modelées par lui à titre de simple exercice. Et je pourrais parler pendant des heures de cette heure unique que je passais là. Enfin, le maître me mena devant un socle où se dissimulait sous les linges humides sa dernière œuvre, un portrait de femme. Il détacha les linges de ses mains lourdes et ridées de paysan et se recula. Je tirai de ma poitrine oppressée un involontaire admirable et rougis aussitôt de cette banalité. Mais avec son objectivité tranquille, dans laquelle on aurait pu découvrir un grain de vanité, il se borna à murmurer en contemplant son propre ouvrage, « N'est-ce pas ?» Puis il hésita. Seulement là, à l'épaule, un instant. Il se débarrassa de son veston d'intérieur, revêtit sa blouse blanche, saisit une spatule et lissa d'un coup magistral à l'épaule le tendre épiderme de la femme qui semblait vivre et respirer. Il se recula encore. « Et puis là, » murmura-t-il. De nouveau, l'effet était intensifié par une retouche infime. Puis il ne parla plus. Il avançait et reculait, considérait la figure dans un miroir, poussait des grognements, des sons incompréhensibles, changeait, corrigeait. Ses yeux qui, à table, erraient, distraits et pleins d'amabilité, jetaient maintenant de singulières lueurs. Il paraissait avoir grandi et rajeuni. Il travaillait, travailler avec toute la passion et toute la force de son corps puissant et lourd. Chaque fois qu'il avançait et reculait brusquement, le plancher craquait. Mais il ne l'entendait pas. Il ne remarquait pas que derrière lui se tenait un jeune homme silencieux, le cœur dans la gorge, tout à la félicité de pouvoir regarder un maître aussi unique en train de travailler. Il m'avait complètement oublié. Je n'étais plus là pour lui. Seul existait encore la figure, son œuvre, et au-delà, invisible, l'idée de la perfection absolue. Un quart d'heure se passa ainsi, une demi-heure, je ne saurais dire combien. Les instants les plus grands sont toujours au-delà du temps. Rodin était si absorbé, si plongé dans son travail qu'aucun coup de tonnerre ne l'aurait réveillé. Ses mouvements devenaient de plus en plus brusques, presque furieux. Une sorte de sauvagerie ou d'ivresse s'était emparée de lui. Il travaillait de plus en plus vite. Puis ses mains se firent plus hésitantes. Elle semblait avoir reconnu qu'elle n'avait plus rien à faire. Une fois, deux fois, trois fois, il se recula sans plus rien changer. Puis il murmura quelque chose dans sa barbe, replaça délicatement les linges autour de la figure, comme on glisse un châle sur les épaules d'une femme aimée, et respira profondément, détendu. Sa stature sembla de nouveau s'alourdir. Le feu s'était éteint. Alors se produisit pour moi l'incompréhensible, le suprême enseignement. Il enleva sa blouse, remit son veston d'intérieur et se disposa à partir. Il m'avait totalement oublié au cours de cette heure d'extrême concentration. Il ne savait plus qu'un jeune homme, qu'il avait pourtant lui-même amené à son atelier pour lui montrer ses œuvres, s'était tenu derrière lui, bouleversé, la respiration suspendue, immobile comme ses statues. Il gagna la porte. Comme il allait la refermer à clé, il me découvrit et me regarda fixement, presque méchamment. Qui était ce jeune inconnu qui s'était glissé dans son atelier? Mais l'instant d'après, il se rappela et vint à moi comme honteux. « Pardon, monsieur, commença-t-il. » Je ne le laissais pas poursuivre. Je me bornais à prendre sa main avec reconnaissance. Je la lui aurais plus volontiers baisée. Durant cette heure, j'avais vu à découvert le secret éternel de tout grand art, et même, à vrai dire, de toute production humaine. La concentration, le rassemblement de toutes les forces, de tous les sens, la faculté de s'abstraire de soi-même, de s'abstraire du monde, qui est le propre de tous les artistes. J'avais appris quelque chose pour la vie. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Cinquième épisode, Paris, la ville de l'éternelle jeunesse. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.